Ce vendredi, à La Vie en BD, Luc Bossé nous explique comment faire de l'argent, Michael nous entraîne dans l'univers crépusculaire de Promise et Michel Giguère nous parle de bande dessinée policière. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler du 9e art de bande dessinée. Et on explorera deux univers, deux styles quand même radicalement différents cette semaine. J'aurais même envie de dire trois styles radicalement différents. On ira donc vers un style parfois réaliste, parfois minimaliste à travers l'album « Comment faire de l'argent » de Luc Bossé, un collage de son travail qu'il avait fait avant de lancer les éditions Pawpaw, une belle occasion pour nous de le redécouvrir. Et on verra comment ça s'est passé de son côté. Également un côté vers le polar, vers la bande dessinée policière, un style qui est plus vaste que l'on ne pourrait l'imaginer selon Michel Giguère qui anime les rendez-vous de la BD. Alors on va explorer cet univers-là en sa compagnie tout à l'heure. Et en première partie d'émission, dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Michael. Je me fais un devoir en fait de le faire à la sortie de chacun des trois tomes de la série Promise. Une série qui, on l'a vu avec le tome 1 et le tome 2, réussit à nous faire angoisser, à nous faire sentir les sentiments liés à la peur, à nous faire réagir face à l'horreur. Vraiment une bande dessinée très réussie sur le plan visuel et comme on le voit à travers le troisième tome, on peut dire une bande dessinée jusqu'au boutiste sur le plan scénaristique. Alors qu'en est-il? On en jase avec le dessinateur tout à l'heure. Sinon, dans les actualités cette semaine, évidemment, on se prépare pour le temps des fêtes et vous l'aurez peut-être vu passer sur les médias sociaux. Il y a l'organisme Québec BD qui propose un calendrier de l'Avent, donc depuis le 1er décembre et évidemment jusqu'au 24, voire même au-delà. Cet organisme-là, qui est dédié à la promotion du 9e art, propose un calendrier de l'Avent. Alors, au programme, chaque jour, une suggestion de bande dessinée québécoise qui a été sélectionnée parmi les publications 2015, donc des idées cadeaux, des idées lectures. On a eu comme suggestion à date La Petite Patrie de Julie Rochelot à la Pastèque, une série jeunesse du côté de Boomerang, si je ne me trompe, la revue Planche. Donc on voit que c'est quand même très varié et l'équipe de l'organisme nous assure que ça restera d'ailleurs tout aussi varié. Donc pour tous et pour tous les publics, pour tous les gens qui ont envie de découvrir la BD, on dit d'ailleurs, et je cite, « Ces publications ne sont qu'un échantillon de la riche et variée création québécoise en matière de 9e art cette année. Cela souligne bien le dynamisme actuel du genre au Québec. » Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est sur québecbd.com. Et il y a également les suggestions qui y sont affichées. Et puisqu'on parle de suggestions de lecture, je m'en voudrais de ne pas mentionner que la gang de l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais ont choisi leur finaliste 2015 au prix Marc-Antoine Lavertu. Alors, à chaque année, évidemment, les étudiants donc de l'EMI votent pour leur album québécois qui coup de cœur pour différentes raisons. Alors, cette année, ils ont retenu deux albums qui sont édités du côté des éditions Pawpaw, alors 23h72 de Blunk et Les Cousines Vampires d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton, et également Michel Falardeau avec son domaine Grilloire, tome 1, If Only Everything. D'ailleurs, Michel Falardeau qui sera de passage à La Vie en BD d'ici Noël pour nous parler du tome 2 de cet album. Et puisqu'on est dans les éléments qu'on souhaite souligner, eh bien il y a aussi une activité qu'on veut attirer à votre attention. Poètes, auteurs de BD et romanciers qui vont s'unir autour de thèmes qui traversent les genres. Donc c'est une série qui a été lancée par la Maison de la littérature, le Printemps des poètes, la Promenade des écrivains et le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ça s'appelle Vers, Bulles et Chimères et on propose un premier rendez-vous jeudi prochain, le 10 décembre, où il y a trois auteurs qui vont parler de la thématique « Les mécanismes de la peur ». Alors, qu'est-ce qui suscite la peur, l'angoisse ou le stress? Chaque forme littéraire, évidemment, s'intéresse à tout ça. La peur peut devenir un outil autant qu'un moteur d'inspiration. Alors, pour échanger autour de ça, ben, il y aura Michael, évidemment. J'en parlais tout à l'heure, ça me semble un peu incontournable sur ce sujet. Donc, dessinateur de Promise. Il y aura également la poète Sylvie Nicolas et le romancier Richard Sainte-Marie qui vient d'offrir d'ailleurs Repentir. Alors voilà, donc c'est entrée libre à partir de 17h30 jeudi prochain à la Maison de la Littérature. Et avant d'aller en musique, un autre élément qu'on souhaite absolument souligner, triste élément dans ce cas-ci, Shigeru Mizuki qui est décédé d'une crise cardiaque le 30 novembre dernier, connu pour ses mangas liés aux monstres et aux fantômes japonais ou à la Seconde Guerre mondiale. Le mangaka avec 93 ans. Son manga le plus célèbre est Kitaro le repoussant, mais il avait également obtenu le prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2017 pour Nononba, un manga qui mettait en scène une petite ville de la côte ouest du Japon au début des années 1930, dans lequel une vieille dame mystique et superstitieuse est accueillie dans la famille du jeune Shigeru. Alors vraiment, là, c'était... comme beaucoup d'albums, une plongée donc dans l'univers imaginaire et folklorique japonais. Alors vraiment un mangaka qu'on peut dire marquant à moult aspects. Alors évidemment, peut-être une occasion de lui rendre honneur en retrouvant ses précédents albums et replongeant dans la lecture de Shigeru Mizuki cette semaine. Sélection pour cette semaine qui nous accompagnera d'ailleurs tout au long de l'émission, c'est la formation Allson avec leur album Tracing Paper. On écoute un extrait qui s'appelait 912, l'album qui est disponible d'ailleurs sur Bandcamp. Et puisqu'on parle du web, je vous rappelle évidemment que nous sommes, nous, sur Facebook, facebook.com/lavieenbd, Facebook qu'on anime avec une vive activité au fil des dernières semaines et au fil des prochaines également. Alors, ben voilà, on l'a annoncé d'entrée de jeu. On a le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil le dessinateur Michael qui, aux côtés du scénariste Thierry Lamy, nous a offert le tome 3 de la série Promise Incubus du côté de Glénat. Michael, bonjour. Alors, ben d'emblée, en fait, je pense qu'on peut décrire cet album-là comme l'ultime crescendo de votre trilogie. Oui, c'est ça. En fait, sur l'ensemble des trois tomes de l'histoire, on a vraiment une tension, une angoisse qui va croissant du tome 1 au tome 3. Hein, le tome 1 étant simplement l'arrivée du pasteur, le tome 2, il commence à étendre son emprise, et le tome 3, c'est l'apocalypse de tout ça, en fait. Et justement, en fait, au fil des tomes 1 et 2, on peut toujours se demander, est-ce que Lamy et Michael vont aller jusqu'au bout des éléments qu'ils ont mis en place, et on se rend compte au tome 3 que oui, en fait, dès le départ, j'ai l'impression qu'il y avait un parti pris jusqu'au boutiste. Donc, on a dit qu'il y aurait l'apocalypse, vous allez avoir l'apocalypse. Oui, en fait, je dois dire que ça, c'est plutôt du ressort de Thierry Lamy au niveau du scénario. Moi, je me suis laissé un peu porté par l'histoire, même si je savais plus ou moins où on s'en allait, mais... en chemin, je sais que Thierry m'a dit que il avait d'autres possibilités de fin, mais que finalement, oui, même effectivement, le pasteur prêche l'apocalypse et l'arrivée du nouveau Messie, et c'est bien ce qui va se passer, sans révéler de punch, bien sûr, puisque de toute façon, c'est annoncé dès le départ. Et effectivement, c'est il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que cette fin qu'il nous a proposée dans le tome 3, oui. Oui, en fait, et ça nous amène dans quelque chose qui, autant dans le ton du récit, autant dans l'esprit du dessin, a un côté qui est très sombre, qui est presque dantesque aussi par moments. Oui, ben d'ailleurs, on fait référence à Dante dans le tome 3. Hein. Il y a des citations du passage de Dante. C'est l'apprentissage aussi. On est loin d'un récit, même si le personnage du pasteur est très manichéen, hein, il est vraiment très sombre et très mauvais, mais le personnage plus lumineux de Rachel, lui, est beaucoup plus... Plus contrasté, et effectivement on pense que c'est elle le bien et qu'elle représente la pureté, alors que finalement elle va aussi apprendre ce que c'est que vraiment la souffrance et le côté sombre de la vie, en fait. Oui, et d'une certaine façon, en fait, j'avais l'impression, je sais pas si tu me confirmeras au niveau de la couleur de cet album-là, un peu comme l'espoir semble de plus en plus absent de l'univers de Promise, un peu comme si on avait de moins en moins des couleurs lumineuses. J'ai l'impression que presque l'album, sans nécessairement dire dans son entièreté, mais il y a beaucoup de séquences qui sont presque désaturées, là. Oui, mais c'était déjà un parti pris que j'avais pris dès le départ pour essayer de trouver un ton vintage et puis sombre et des couleurs assez grises. C'est toujours du vert gris, du bleu gris. Mais je suis allé encore une coche au-dessus dans ce troisième tome, justement, effectivement, pour venir la couleur venant être un élément narratif qui contribue à cet effet de tension pesante sur le village et d'angoisse tout au long du récit de ce tome 3. Et en même temps, on passe justement aussi à travers différents niveaux de réalité, dans la mesure où, encore plus que dans les deux premiers tomes, l'univers de la réalité côtoie celui du cauchemar, et en même temps, il y a plusieurs niveaux de réalité, il y a plusieurs niveaux de cauchemar aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est le rêve chamanique qui avait été initié, et le voyage à travers les rêves avait été initié dès le tome 1, en fait, par petites séquences. Puis, effectivement, ben, comme le tome 3, ben, tout est exagéré par rapport aux autres tomes. Et ben là, oui, effectivement, le Rachel et le pasteur font plus de voyages entre le monde des rêves, les limbes, les cauchemars. Et le monde réel. Et comment justement t'as abordé au niveau graphique le rêve versus la réalité pour arriver quand même à permettre au lecteur justement de bien se dépêtrer entre l'un et l'autre, que ça soit bien fluide dans le fond? On peut revenir à la couleur par exemple, parce que justement la séquence d'introduction, les trois premières pages, on a des couleurs vraiment lumineuses, on a un coucher de soleil sur les montagnes sont très vertes avec la lumière du soleil qui se reflète très orangée, donc des couleurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à Promise. Et en fait, ces couleurs-là ça fait partie d'un rêve. Donc j'y suis allé un peu à contre-pied. La réalité est très grise et le rêve est très coloré pour certains rêves. Mmh. Et puis pour d'autres, notamment pour les limbes, ben là c'était un gros casse-tête. Là, je me suis un petit peu arraché les cheveux. Dit, comment je peux retranscrire ça? Et puis j'y suis allé par essai-erreur. Et puis surtout les limbes, hein, l'antre du pasteur, à quoi ça peut ressembler. Alors je suis parti un petit peu de ça, et puis ça m'a emmené vers un décor un petit peu ressemblant un peu aux catacombes de Paris, mais au niveau de l'atmosphère. Oui, puis j'ai l'impression aussi avec un jeu au niveau du trait où on sent qu'il y a un trait un peu plus nerveux, qu'il y a une profondeur qui est peut-être un peu plus floue, qu'il y a plus de presque un peu de pointillisme par moment, là, pour faire une comparaison peut-être un peu gauche, mais quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs critiques où on m'a dit que le dessin était presque très très expressionniste à certains moments. C'est-à-dire que je suis allé très jeté au niveau de certaines séquences, surtout au niveau de l'action, et puis dans certaines scènes de rêve, effectivement, lorsque le fantastique intervient aussi pour rendre ça un petit peu plus flou, et puis puisque ce qu'on montre de façon précise, ça fait moins participer le lecteur, puisque tout est là, donc il n'a pas à imaginer, alors que si je suis plus flou, mais que l'énergie est là pour comprendre ce qui se passe, ça permet au lecteur de plus lui embarquer dans l'histoire, et pour parce qu'il fait les, il fait les il imagine ce que moi je suggère simplement sous un trait de crayon. Et justement, ça donne des séquences qui sont particulièrement réussies, notamment, il y en a une que je souhaitais absolument donner en exemple. Donc, c'est la séquence, en fait, le rêve de la mère de Margot. On voit donc ce personnage-là qui est en train de se baigner, elle est nue dans un superbe paysage. C'est vraiment un des moments les plus lumineux de l'album. Elle va croiser sa fille là-dedans et tranquillement, mais sa fille va en venir à se sauver d'un danger qui s'en vient. Et au fur et à mesure que le danger s'approche, mais justement, on transcende, on passe du clair, du lumineux vers le flou et le sombre. Donc, il y a vraiment fait un jeu de progression au fil des cases de cette séquence-là. C'est vraiment très réussi, je tenais à te le dire. Ah, merci beaucoup. Et justement, j'imagine que on tombe aussi dans l'effort de mise en scène pour que ça se fasse progressivement, pour qu'on puisse sentir aussi, justement, que la situation change, pour qu'on sente l'angoisse de ce personnage-là qui est tout seul au milieu d'un lac. Là. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'exemple que je prenais avec ces couleurs très lumineuses du rêve. Mais on ne sait pas qu'on est dans un rêve au début de cette séquence. Au contraire, ça change de promise. On respire un petit peu. Grand décor, un lac très calme, une femme qui se baigne dans ce lac et une belle lumière. Et puis progressivement, sa fille arrive. Elle met en garde sa mère d'un danger. Et puis la pluie commence à tomber. Donc déjà, la pluie est un élément dramatique. C'est une béquille pour nous pour dire que c'est sombre, c'est au niveau de la dramaturgie, c'est très intéressant comme phénomène. Donc j'ai utilisé la pluie, puis effectivement les couleurs deviennent de plus en plus grises, et puis au niveau de la mise en scène, il y a une menace qui arrive par derrière. Margot ne la voit pas, et donc on est en vue subjective de cette menace qui arrive progressivement. Et puis au niveau de la mise en scène, tout était là effectivement. Donc là c'est de la radio, donc c'est pas très visuel, mais si j'avais la planche des jeux, je pourrais vous l'expliquer que, par exemple, l'œil du lecteur suit la main de cette personne qui va saisir, la menace qui va saisir Margot dans cette séquence et va la saisir. Ensuite, voilà, la coucher au sol de façon très violente. Et si on regarde la mise en scène, l'œil suit comme ça et tombe littéralement après dans la dernière case pour être avec Margot complètement écrasée par terre dans la boue. Et je trouve intéressant aussi que tu mentionnes, Michael, la présence de la pluie, parce que j'ai l'impression, et on est toujours dans le plus, en fait, j'ai l'impression que c'est la thématique de l'entretien, mais la nature est encore plus sauvage dans le troisième tome, la pluie est encore plus incessante et ça vient amplifier peut-être justement le sentiment de huis clos qui était déjà présent de par les choix au niveau de la température, au niveau du relief, au niveau des couleurs. Oui, c'est ça. Dans les deux premiers tomes, c'était surtout la neige, mais la neige, elle vient un peu étouffer les cris, et puis elle est plus propre, on va dire. La neige, c'est blanc, donc c'est le... Si on y va dans les symboles, c'est plus la pureté, hein, de notre... au niveau judéo-chrétien, en tout cas, hein, le blanc, c'est la pureté, donc... Et là, dans le tome 3, comme c'était un tome jusqu'au boutiste, hein, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc là, je suis allé sur quelque chose de c'est la pluie, ça amène de la boue, tout est sale, on est vraiment, il y a de la boue partout. C'est très, ce qui fait que ça amène un paysage très gris. Et puis cette nature, sous la pluie, on est à l'automne, donc il y a plus de feuilles aux arbres, et de l'eau qui ruisselle partout. Donc ça amène vraiment, au niveau de l'ambiance, une atmosphère très étrange et très très pesante. Ça contribue à l'atmosphère pesante de ce tome 3. Et tout ça dans un contexte où on a aussi des personnages, parce qu'on a beaucoup parlé du décor. C'est quelque chose qui frappe, en fait, les paysages qui sont vraiment magnifiques au fil des différents tomes de l'album. Mais il y a aussi des personnages, et ça, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on a creusé. Beaucoup, tu nous fais des personnages qui sont très expressifs, qui sont très théâtraux aussi à certains égards. Oui, c'était tout le plaisir de cette série là. Depuis trois tomes là, le pasteur est très théâtral et il joue la comédie de toute façon auprès des villageois. Il est toujours, il joue un personnage, donc moi-même je renforce ça en le faisant exagérer ses postures lorsqu'il prêche surtout, ou lorsqu'il fait semblant, hein, de d'être compatissant pour les malheurs du village. Et donc c'est comme un comédien qui préfère jouer un rôle d'un méchant parce que c'est plus facile, enfin on dit toujours c'est plus facile à nourrir. Là pareil, ce pasteur est très très théâtral, donc là c'est très plaisant à faire. On n'est pas dans une chronique humaine où les expressions, les émotions sont beaucoup plus atténuées, beaucoup plus lisses, alors que là j'ai pu y aller vraiment franco dans toutes les émotions, en fait. Oui. De façon plus franche, pardon. Et jouer avec les expressions, avec les regards, pour que le lecteur, dans le fond, peut-être à l'inverse des villageois, que le lecteur puisse vraiment sentir tout le mal qu'il y a derrière ce personnage-là. Oui, c'est ça, parce que le lecteur, lui, a connaissance des scènes que les villageois, eux, ne voient pas. Donc en plus, on voit d'autant plus la nature mauvaise lorsqu'il fait une émotion d'être compatissant pour les villageois. Bon, le lecteur, lui, sait que c'est pas vrai, donc c'est encore, on hait encore plus ce personnage-là, de ce fait-là. Et en même temps, j'imagine que c'est un bon défi, parce qu'un personnage comme ça, qui est aussi central au récit, dont la prestance, dont la nature est aussi centrale à la compréhension et à l'acceptation pour le lecteur de ce qui se passe, donc une certaine forme à l'immersion, faut qu'on saisisse son charisme, faut qu'on saisisse sa force, et donc faut que toi, au niveau du dessin, tu réussisses à transcender ça sur la planche. Oui, bah c'est un personnage qui n'a pas été facile à trouver, mais je me suis beaucoup inspiré de l'acteur Vincent Cassel, un acteur français, et c'est un acteur qui joue souvent des personnages qui sont toujours à la limite d'exploser et de virer fou, en fait. Ils sont assez charismatiques, mais toujours un petit peu limite, en fait, et on ne sait pas, et on a l'impression qu'un claquement de doigts, ils peuvent se transformer en monstres sanguinaires, et ils ont comme une espèce de terreur, de hargne et de puissance en eux, comme ça, qui ne demande qu'à exploser, en fait, et ça m'a beaucoup aidé, en fait, de voir cet acteur-là évoluer pour pouvoir, moi, ensuite mettre en scène mon personnage du pasteur. Et en même temps, au fil des tomes, et même de la majeure partie du troisième, on se garde justement la notion de transformation, ce qu'il y a derrière véritablement les différents personnages. Et au troisième, on peut aller jusqu'au bout de cette représentation du monstre, de la bête, mais aussi d'autres transformations physiques qu'on va voir s'effectuer. Donc ça, j'imagine qu'il y a un jeu aussi pour faire évoluer de manière réaliste, passer du chien au monstre, passer de l'homme au démon, etc. Oui, mais ça c'était tout un défi graphique, parce que là, lui, Thierry Lamy, le scénariste, lui, écrit simplement que la bête se transforme en démon, mais alors graphiquement, comment on va retranscrire ça pour que ça soit en corrélation avec l'histoire, que ce soit vraisemblable dans l'histoire, même si on s'entend que c'est pas réel. Dans la vraie vie, il n'y a pas de chien qui se transforme en démon, mais quoique des fois, je sais pas. Mais donc il faut que ce soit cohérent, et puis que le lecteur décroche pas. Alors c'est toute la difficulté du fantastique. Alors si j'ai réussi à faire la job, tant mieux, parce que c'était des longues journées d'interrogation sur la mise en scène et le rendu graphique de tout ça, effectivement. Et à quel moment on réussit à avoir le déclic, on se dit ok, voilà, c'est la piste, je pense que j'ai la bonne piste. Qu'est-ce qui fait le déclic? C'est de se mettre un petit peu en situation de cette époque-là où le au 19e siècle, on allait vers l'ouest, on reculait la frontière au niveau des États-Unis, mais il y avait encore les persistances des croyances amérindiennes, et puis la religion était très présente. Je me dis que ces gens-là, ils pensent vraiment, s'ils aperçoivent un loup, ils peuvent penser que c'est un loup démoniaque. Et j'essaie vraiment d'essayer de me mettre dans la peau de ces pionniers-là, perdus dans des montagnes rocheuses, il y a 150 ans, là. Et je me dis, voilà comment ça pouvait se passer, et comment eux pouvaient avoir peur. C'est la piste que j'ai explorée, et puis c'est ce que ça a donné au niveau visuel dans l'album. Et après Promise, toi t'es déjà depuis un bout de temps sur un nouvel univers, sur celui de Giant, qui risque d'être assez différent, distinct. Là. Oui, c'est complètement opposé. Là, déjà c'est un scénario, c'est moi qui suis au scénario aussi, plus de du dessin et de la couleur. Donc là, je suis aux commandes tout seul. J'ai pas de scénariste sur qui me reposer. Donc là, c'est plus de travail. Et puis effectivement, là, c'est une chronique humaine historique dans un contexte historique. On est à New York en 1932, pleine Grande Dépression. Et on suit un groupe d'immigrants irlandais qui sont sur le chantier de construction du Rockefeller Center. Donc là, une chronique humaine, donc, au niveau de la mise en scène, c'est beaucoup moins manichéen, c'est plus subtil, plus lisse, là, dans les émotions, dans la façon de montrer les choses, hein, dans la façon de cadrer. Donc, c'est tout un autre exercice de style, mais Je m'arrache aussi un petit peu les cheveux, mais j'ai du plaisir aussi. Alors, on découvrira ça, évidemment, au fil des mois slash de l'année à venir. Mais d'ici là, sur le court terme, on a le plaisir de se mettre les dents sur le troisième tome de Promise. Michael, merci beaucoup. Ben, merci, Armand. Puis à la prochaine. À bientôt. Alors, je rappelle, Michael est dessinateur donc sur Promise, scénarisé par Thierry Lamy. Et tout ça est disponible du côté de Glénat. Écoute de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et petit commentaire, en fait, sur une BD que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment, en fait, du côté de Six Pieds Sous Terre. Ça s'appelle Zai Zai Zai Zai, comme la chanson d'ailleurs de Joe Dassin. Et c'est de Fab Caro. Un petit récit absolument, j'aurais tendance à dire absolument jouissif, dans le sens littéraire du terme, évidemment. On se retrouve à suivre un personnage, un auteur de BD, tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui commet le pire des crimes. En fait, il est à l'épicerie en train de payer à la caisse et il se rend compte qu'il a oublié la carte fidélité de l'épicerie dans son autre pantalon. Alors évidemment, devant une situation aussi odieuse, il n'a d'autre choix que de fuir. Évidemment, cette situation déclenche une panique nationale. La police se met à ses trousses. La France s'interroge de manière plus large. Est-ce qu'on doit faire confiance aux auteurs de BD? Les gens qui n'ont pas d'auteur de BD dans leur patelin n'en veulent pas. Les autres, ceux qui en ont, disent que la bourgeoisie ne comprend pas la situation pour être aussi tolérant envers les auteurs BD qui parfois oublient leur carte fidélité dans leur autre pantalon. Et ben donc, on a un immense road movie où l'on suit évidemment l'auteur qui essaie de s'en aller dans un village où on n'a pas accès à Internet pendant que on se retrouve justement au travers de différentes situations, donc des familles qui sont confrontées à la triste réalité de cette situation, la crainte qui s'étend en France, la police qui fait son enquête pour essayer de le retracer. Et donc, ça progresse. Tout ça tranquillement. On passe de rupture de ton en rupture de ton d'une certaine manière, dans la mesure où on traite avec un grand sérieux une situation qui est absolument ridicule, où l'on suit donc le héros de cette situation abracadabrante pour ensuite passer à un commentaire social avec une situation qu'on ne verra que pour le temps d'une planche ou deux. Ensuite, on revient à l'histoire principale et donc ça s'est construit vraiment toujours comme ça. Donc avec comme si plein de petites parenthèses. Exemple, on se retrouve à un moment donné sur deux planches avec une situation où on a une famille, donc un père, une mère, leur fille adolescente, la fille adolescente qui est outrée des propos tendancieux de ses parents envers les auteurs BD, les critiquent de ne pas être assez tolérant, de ne pas être ouvert. Finalement, la chicane monte. Alors, et l'adolescente finit en disant, ben si c'est comme ça, autant mieux quitter ce monde tout de suite. Elle saute par la fenêtre et tombe, on l'imagine, vers sa mort prochaine. Et face à ça, les parents ne savent pas trop comment réagir pour finalement conclure que, regardez, c'est comme ça, c'est l'adolescence. Et on retourne ensuite à l'histoire principale. On s'est construit toujours comme ça, des situations qui sont toujours surprenantes. Et quand on a l'impression qu'on a fait le tour de l'esprit absurde de l'univers de Fab Caro dans Zai Zai Zai Zai, il nous réussit à nous reprendre, à nous resurprendre. Donc on va comme ça de surprise en surprise, d'absurde en plus absurde, et dans un contexte où on sent l'auteur en véritable maîtrise d'un point de vue narratif dans un exercice qui aurait pu être à risque, qui aurait pu à un moment donné couler, qui aurait pu amener le lecteur à décrocher, mais non, le lecteur reste au contraire bien accroché à ce récit-là. un récit qui fait du gag en une planche, qui se moque des outrances sociales, médiatiques et contemporaines de notre époque, qui dénonce la précarité du métier d'auteur. C'est dense, en même temps que c'est complètement ludique. C'est riche en matière narrative. Le dessin qui est un croquis plus standard, qui est peut-être un peu l'élément, je dirais pas le plus faible, mais le moins surprenant, si on peut dire, de l'album. Mais le récit est tellement jubilatoire que on lui pardonne ce côté plus traditionnel. À la limite, le côté plus traditionnel vient servir justement la structure plus standard de récit qu'il propose, vient nous surprendre aussi. Donc, il y a quand même quelque chose derrière ça. Et ben, décidément, là, c'est un tout petit ouvrage, là, à peu près 70 pages, finement ficelé. Comme vous le voyez, ben, je pense que je suis assez enthousiaste envers ce récit. Et donc, vous devinez que je vous le recommande joyeusement. Alors, ça s'appelle Zai, Zai, Zai, Zai. C'est de Fab Caro et c'est du côté de Six Pieds Sous Terre. On retourne en musique avec Olsen, tiré de leur album Tracing Paper, un petit extrait qui s'appelle Field of Birds. Pour vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les émissions de La Vie en BD des dernières saisons en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Vous pouvez également me lire sur mon blog personnel au voir.ca/Raymond-Poirier. Et on reste peut-être un peu dans un univers à tendance absurde avec le prochain album dont on va parler. Donc, nouvelle parution du côté des éditions Pawpaw, c'est arrivé en octobre dernier. Ça s'appelle Comment faire de l'argent et son auteur est avec nous, Luc Bossé. Bonjour. Alors, en fait, j'étais bien content de redécouvrir un peu ton trait. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de te lire, que ce soit en matériel recyclé ou neuf. 5 ans, j'imagine, entre travail d'éditeur et blessure au bras, c'est ce que t'as réussi à nous offrir. Là. Ouais, ben c'est ça. J'ai récupéré, il y a pas mal de vieux stocks, entre guillemets, là-dedans. Mais oui, c'est un peu pour ça que j'ai le titre... Comment faire de l'argent, prendre des vieilles affaires, réimprimer, rééditer. Oui, puis on s'amuse un peu. D'ailleurs, je pense que c'est Fabien Deglise qui a trouvé la meilleure formule face à ça. Que je te relance pour avoir un peu tes réactions. Il parlait, lui, d'une belle mise en abîme parce que d'un côté, tu affiches ouvertement ton recyclage de planches déjà publiées à des fins, entre guillemets, bassement commerciales. Mais à travers une bonne partie de ces planches-là, mais tu critiques justement le monde de la finance, de la surconsommation et le reste. Oui, ben c'est... Je me suis rendu compte quand c'est venu le temps de faire la mise en page, quand l'idée de faire une compilation est venue, puis quand c'est venu le temps de choisir les histoires ou les gags que j'allais mettre, il y a comme un thème récurrent qui revenait quand même. Là, j'ai une fascination pour la haute finance, puis le 1%, puis ces trucs-là. Donc, je trouvais que c'était drôle de... En plus, combiné au fait que, en tant qu'éditeur, après 5 ans, c'est l'heure des bilans, puis tu regardes le marché, puis tu te dis, ouais... Faire de l'argent, c'est pas si évident que ça. Fait que c'est comme un peu... Il y a bien des niveaux dans cette titre-là puis dans le concept du livre. Là. Oui, puis en fait, avec un esprit qui est, somme toute, assez absurde aussi dans l'humour qu'on y trouve, dans le ton d'une bonne partie des séquences, encore une fois. Ben oui, absolument. C'est mon humour. Là. Je me suis mis en scène aussi beaucoup au travers de tout ça. Fait que c'était étrangement comme... J'ai été surpris quand j'ai fait le montage qu'il y avait quand même un fil conducteur plus fort que j'aurais pensé. Et en le faisant aussi, j'ai été obligé de laisser de côté des trucs que j'aimais, mais qui collaient moins dans le montage. J'ai même changé quelques répliques, redessiné des pages, changé des dessins pour que ça soit encore plus uniforme puis que ça coule encore mieux. Là. Oui, puis en même temps, je pense que la clé, justement, quand on parle d'un collage, c'est d'éviter justement que ça a l'air d'un collage, le syndrome Frankenstein, pour reprendre l'expression de Boulet. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de le trouver, de le faire émerger, ce fil conducteur-là. Tu dis qu'il s'est imposé rapidement, mais si, j'imagine que ça t'a donné aussi un coup de pouce pour faire justement le tri des séquences et le reste. Rapidement, en une journée, je te dirais que j'ai fait peut-être 80% du montage, puis j'avais le reste du 20% que je savais pas où placer, puis c'était avec Alexandre Fontaine-Rousseau, on s'est assis, puis ça s'est réglé vraiment vite. On dirait que c'était fait pour être monté de cette façon-là. Tu sais, il y a peut-être 200 pages au final, mais je sais pas combien j'en ai dessiné durant ces années-là, peut-être 400-500, fait que j'en ai quand même éliminé beaucoup. Ben, il y avait vraiment beaucoup d'affaires qui valaient pas la peine d'être imprimées là-dedans, ben honnêtement, là. Fait que je pense que c'est un genre de greatest hits, là, si on veut, là. Oui, en même temps, souvent, j'imagine que le défi, c'est que quand on est dans l'autopublication où il y a des séquences de fanzines aussi là-dedans, à une époque où, j'imagine, tu expérimentais aussi, tu essayais différentes choses, différents styles, tu t'appropriais le médium. Oui. Ben, il y a des, tu le vois, là, il y a certaines histoires, là, qui, le dessin, le personnage a changé, a évolué. Il y a même des pages que j'ai complètement redessinées parce que je trouvais, j'ai trouvé trop lettes. Mais, ouais, c'était comme un peu le fun de passer au travers de ça, puis je me faisais rire encore, étrangement, là, quand j'en disais des jokes. Là. Puis en même temps, ça explique aussi, et ça donne le défi d'avoir à jouer aussi avec la variété des styles de dessin, les différents niveaux de réalisme au niveau du trait qu'on trouve dans Comment faire de l'argent. Ouais, puis il y a comme deux mondes aussi. Il y a moi qui est enceinte, puis comme mes petits bonhommes un peu, là, les petits bonhommes d'affaires, puis les ninjas, puis... Il est venu le temps de dessiner les pages d'introduction, j'ai comme mêlé un peu ces deux mondes-là pour que ce soit cohérent pour le reste du livre après. Fait qu'on se pose pas de questions de faire un peu à la, comme si il y avait c'était à la télé, puis il y avait comme, fait que ça me permettait de faire de changer entre les deux mondes facilement puis cohéremment. Wow! Cohésivement. Puis, est-ce qu'il y a un des deux mondes que tu aimes plus, justement, ou que tu te permets de redécouvrir peut-être un peu le style, justement, des petits bonhommes, un peu minimaliste, versus le style dans lequel on t'avait connu avec la première parution des éditions Pawpaw, là, Yves Leroy de la Cruz? J'aime les deux mondes, mais après avoir fait le montage, une fois qu'il était sorti, les idées que j'ai eues pour faire d'autres histoires, d'autres gags, c'était plus ceux du monde des petits bonhommes qui venaient à l'idée plus naturellement que moi de me mettre en scène. On dirait que c'est soit que ma vie est rendue trop plate pour en faire des histoires, là, mais on dirait que plus naturellement, on dirait que c'est ça qui me vient en tête, mais ça me ferait que je reprenne l'habitude de... C'est une gymnastique. Là, à l'époque du blog, là, je faisais 2, 3, 4 fois par semaine. Fait que je me disais, plus alerte de qu'est-ce qui se passe, puis tu prends note les trucs qui t'arrivent pour... les revisiter, puis les augmenter, les exagérer, en fait. Oui, puis les rendre expressifs, parce que tu n'as pas beaucoup d'outils pour que ces personnages-là soient expressifs. C'est pratiquement un petit point avec des jambes, des bras, puis il ouais. Faut qu'il y ait quelque chose qui ressorte de ça. C'est... je pense pas que je suis le meilleur en dessin. Là. Ma force, c'est peut-être plus sur le côté graphique. Là. J'ai fait mes cours en graphisme, j'ai travaillé 10 ans en tant que graphiste. On dirait que je tripe plus à faire des codes puis à rendre les trucs efficaces avec le moins de lignes possible. Il y a peut-être un peu de paresse de dessin là-dedans aussi, là, mais en tout cas, je joue avec cette contrainte-là puis j'essaie de l'exploiter puis d'en dire le plus avec le moins possible. Là. Oui, puis en même temps, c'est justement, il y a tellement de contraintes là-dedans que des fois, on en vient, quand on prend le temps de s'y arrêter, à se demander si c'est tant plus facile que ça, dessiner de manière minimaliste. Là. Pas tant que ça. Ben, je pense pas parce que, tu sais, je dirais, ça tient pas à grand-chose parce qu'il n'y a même pas d'expression dans la face des petits bonhommes, mais il faut rendre ça expressif quand même, puis c'est tout le défi, là, qu'en plus, ils sont tous pareils, là, tu sais, je veux dire. Et qu'est-ce qui t'avait amené à l'époque, en fait, parce que le personnage qui domine un peu ce volet-là du livre, l'autre volet étant ton personnage à toi qui est dominant. Et donc, le ninja Pawpaw, qu'est-ce qui t'avait amené vers ça? Est-ce que c'était un délire de coin de table que t'avais décidé de lancer à l'époque? Ou Ben, au début, les premiers trucs que j'avais fait avec le ninja, c'était juste le ninja qui sauve de policiers. C'était des 2-3 pages, puis qui sauvait, puis... Les policiers qui font... c'était ça qui me faisait rire. En fait, les policiers font pampard avec leur bouche, sinon les fusils qui font pampard. Fait que c'était comme juste des trips de poursuite, des trips... Tu sais, à l'époque du blog, souvent, je faisais juste des trips d'essayer des affaires sans nécessairement qu'il y ait une chute ou que ce soit bon ou quoi que ce soit. Fait qu'à force de faire des petites histoires, des petites scénettes de des policiers qui courent après, puis là, j'avais mon monde des hommes à cravate, les deux sont convenus un peu naturellement. Puis quand j'ai fait mon petit fanzine Ninja Pawpaw, ben c'était la joindre les deux mondes, les policiers, les hommes à cravate, le petit ninja, puis le ninja qui se bat contre le capitalisme, rien de moins. Fait que le nom de en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le nom de la maison d'édition vient de ce personnage-là, de ce monde-là, ouais. Puis en parallèle aussi, dans ce monde-là, tu as aussi extensionné dans comment faire de l'argent vers les commentateurs sportifs qui servent, en fait, ils sont presque là en mode chorale où ils interviennent à chaque X page. Ouais, ben j'ai trouvé le fun des autres. En fait, c'est les idées que j'ai eues par après, c'était bien gros par rapport à l'autre. Ils font comme le lien un peu, c'est comme si c'était les animateurs du livre un peu. Là. Ils font le lien avec le sport professionnel, ben, le hockey en fait, puis mon monde à moi, la télé. Fait qu'il y avait comme. Une espèce de fil conducteur un peu dans tout le livre. Oui, puis avec le zapping aussi au début qui donne le ton sur les variations de style, sur l'opposition et le reste. Exact. Puis, à travers ça, en fait, il y a aussi les séquences, tu disais, les séquences plus anecdotiques où là, c'est toi qui es en scène. Quel regard t'as porté sur les éléments? J'imagine que le défi, c'est aussi de trouver des séquences qui sont encore actuelles, qui cadrent encore avec... Tu veux dire celles que j'ai sélectionnées? Oui, exactement. Il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas mis. Là. Je les ai toutes relues. Il y avait le rapport annuel 1, le premier que j'ai fait en 2008. Puis il n'y a aucune page de ce livre-là qui s'est retrouvée dans la compilation. Là, parce que je trouvais ça à la limite gênant de lire ça. Il y a des affaires vraiment mauvaises, pas drôles, mais je veux dire, faut passer par là, j'imagine. Là. Fait que j'ai gardé celle que... Tu sais, je veux dire... C'est quand même difficile d'être son propre éditeur, là, même si je me suis fait beaucoup aider par... je l'ai fait lire à Alexandre Fontaine-Rousseau, Vianne Leloup aussi, Pascal Girard Leloup aussi. Mais c'est d'avoir une espèce de recul par rapport à ce que tu fais. Mais je pense que si ça me faisait encore rire ou sourire, ben je les gardais puis je les mettais. Puis je suis quand même assez sévère avec moi-même. Fait que il y en a beaucoup qui ont été éliminés là, puis vraiment rapidement. Là, fait que c'était... Ce que je gardais, c'était les trucs que je trouvais qui marchaient encore. Là. Oui, puis ça doit être toujours intéressant. En même temps, comme tu dis, intéressant ou douloureux de replonger avec les yeux plus expérimentés que tu as aujourd'hui vers le travail de toi moins expérimenté d'il y a 7-8 ans. C'est clair. Que c'est comme je dis, c'était un peu gênant par bout. Tu rougissais pour toi-même. Ouais, j'ai toujours dit que le rapport annuel, parce que je me fais demander, il t'en reste, ça fait longtemps que j'en ai plus, puis jamais je vais réimprimer ça. Là. C'est ceux qui l'ont, tant pis pour eux autres, mais... Ça n'existera plus, cette affaire-là. Puis, à travers la mise en scène aussi de comment faire de l'argent, autant que les éléments de promotion de l'outil, l'entrevue notamment de toi avec toi sur le site de Pawpaw que j'encourage les gens à aller lire, si ce n'est déjà fait, et d'autres éléments aussi, on sent beaucoup d'autodérision, en fait. Un certain plaisir de rire un peu de toi-même, de rire un peu de l'idée de faire le livre, ou etc. Ben, comme c'est écrit dans le rabat, là, c'est imprimer des livres, c'est comme imprimer de l'argent. Fait que, c'est aussi con que ça. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire de l'édition, c'était vraiment de façon naïve. Là, j'embarquais là-dedans, j'ai aucune idée de ce que je faisais. Puis après 5 ans, tu réalises, OK, faire de l'argent dans ce milieu-là, c'est vraiment, vraiment pas facile. Vendre un livre, là, c'est vraiment un exploit. À chaque fois que t'en vends un, là, t'es content, puis tu te dis, c'est un à la fois, puis c'est pas de recette de succès, puis c'est vraiment pas facile. Fait que... De donner ce nom, ce titre-là au livre, c'était un peu tout cet ensemble-là. Oui, faire de l'argent avec du vieux stock, mais c'est aussi toute la réalisation de... T'sais, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais je trouvais ça plus drôle de ne pas en mettre. Puis, je veux dire, les gens là, qui, en festival qui me disent... ils accrochent sur le titre et ils disent « Ah, j'aurais besoin de ça, moi, pour faire de l'argent. » Je leur dis tout le temps « Non, non, mais y a rien, vous allez apprendre rien là-dedans. Le titre, c'est parce que c'est moi qui fais de l'argent, c'est pas vous autres, mais en tout cas... » Ben, moi qui fais de l'argent, je me sens gros d'humain, là. Puis en même temps, en fait, au terme de l'exercice, on disait, en fait, ça s'est fait quand même instinctivement, efficacement. La réception à date, en fait, les commentaires sont très positifs sur le fait, justement, que tu as réussi à mettre une trame, que tu as réussi à tirer quelque chose de cohésif de cet ensemble-là, que ça fonctionne encore. J'imagine qu'on doit souffler un petit peu en disant, OK, le pari, ça marche, vraiment, ça, le mix que j'ai, la salade pogne, la sauce prise. Ouais, j'essaie d'en trouver l'expression. Ouais, parce que c'est drôle parce que l'idée de faire cette compilation-là, c'est vraiment récent. Là, c'est pas une affaire que depuis 5 ans que je traîne un jour, je vais faire une compilation. Je pense que c'est Alexandre Fontaine-Rousseau, encore lui, qui menait, on parlait de ça, puis j'y ai comme, tu sais, ça vaut-tu la peine de faire une compilation? Oui, puis tu sais, lui était certain de ça. Fait que je go, tu y vas, mais c'était. C'est vraiment récent comme idée, en fait. Là. C'est, même si c'est des vieilles affaires. Là. Fait que j'avais jamais pensé avant, puis de le faire, puis de voir que ça marche, puis que c'était pas une si mauvaise idée, ben tant mieux. Là. Et les gens peuvent le découvrir eux aussi. Donc, ce livre-là qui est arrivé donc tout récemment. Luc Bossé, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et à la prochaine. Bye. Bye. Alors voilà, donc je rappelle Luc Bossé, auteur de Comment faire de l'argent, qui est disponible donc du côté des éditions Pow Pow. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, dernière ligne droite, une dernière ligne droite qu'on traverse avec Michel Giguère. Bonjour. Salut Raymond. Hey, dans le téléphone, la musique que tu viens de mettre, c'était un peu hallucinant. J'ai juste capté la fin, mais... Je pense dans les autos, dans les radios aussi. Je suis réveillé, en tout cas, inquiète-toi pas. Alors, en fait, tu es avec nous, évidemment, pour parler de cette rencontre du 9 décembre, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, une rencontre intitulée « Des bulles plein le chargeur, le polar en BD ». Mais avant de te lancer sur le polar, question quiz, est-ce que ça s'est bien passé avec de la fée Dubuc le mois dernier? Ah ben oui, écoute, c'était de grandes visites, fait qu'on peut bien retourner un petit peu sur cette soirée-là. C'est drôle parce que après la soirée, je les ai accompagnés au vestiaire, on a pris nos manteaux, puis là, ils me demandaient « On a-tu bien fait ça? Est-ce que ça s'est passé comme tu souhaitais? » Là, je suis parti à rire, je disais « Vous êtes mes meilleurs. » Ça a été ils ont été concis dans leurs réponses, en plus qu'ils étaient deux à intervenir, là. Ça s'est fait comme un charme. Je pense qu'ils sont comme habitués de travailler ensemble, de vivre ensemble. Le fait que ça s'est passé tout en souplesse. Mais j'aurais dit, vous avez pas réalisé. Hein, on a vu 90 écrans à peu près, là, 90 écrans différents. Et vous avez tout commenté. On a eu le temps de prendre des questions à la fin. Non, ça a vraiment été super. Ça a été tantôt instructif, tantôt drôle. Ils ont parlé d'évolution du ton de la série, les étapes de création, comment ils travaillent sur un plan plus technique, sur un plan plus personnel, comment ils arrivent à faire la conciliation couple-travail, parce que ils vivent ensemble puis ils travaillent dans leur maison, fait que c'est tout s'entremêle. Alors non, ça a été une soirée mémorable. Et là, je te ramène en décembre, parce que j'ai l'impression que l'on change radicalement de registre de l'univers des nombrés. Tu nous amènes vers le polar en BD. C'est une deuxième partie aussi, mais j'imagine qu'en habitude, pas besoin d'avoir assisté à la première. Là. Oui, ben je suis content que tu dises comme d'habitude, parce que c'est toujours assez finalement indépendant. Alors, par contre, il faudra juste pas que les gens s'étonnent, ceux qui sont des amateurs puis qui ont des attentes que je parle de telle ou telle série. Donc, pas s'étonner qu'il soit pas question, bon, d'Alex Sinner, de Minos de Sampaio, de From Hell, d'Alan Moore, de Sin City, de Frank Miller, ou des mangas Crying Freeman ou Old Boy, par exemple. Puis côté plus littéraire, les adaptations de Conan Doyle avec Sherlock Holmes, Simenon avec Maigret, Léo Mallet avec Nestor Burma, ou encore la récente et très intéressante collection Rivage Casterman Noir. Pourquoi je les nomme ceux-là? Parce que tout ça, c'est soit des romans qui ont été adaptés en BD ou des BD qui ont été transposés au cinéma. Mmh. Et justement, j'ai couvert tout ça lors de la première soirée. Fait que là, on parle du reste. Mais le reste, là, je peux vous assurer qu'il ne manquera pas de matière pour cette deuxième partie-là. Là. Le polar, c'est très riche. Et justement, en termes de thématiques, en termes de catégories de genre de BD policière, qu'est-ce qu'on va explorer? Ben, je dis toujours que mes présentations sont scénarisées. Et puis cette fois-ci, ben, le scénario de la soirée qui s'est imposé, ça s'avère assez éclaté. Sauf que quand même, la présentation va être tout à fait fluide, naturelle. Les gens se rendront pas compte que ça part dans toutes sortes de directions. Mais c'est parce que ça va s'articuler tantôt autour de sujets, tantôt autour de sous-genres littéraires, entre guillemets, ou alors autour de la production nationale de tel ou tel BD par pays. Alors, bon, si on fait une liste rapide là du programme, ça va commencer avec le crime organisé, il va y avoir une partie sur le polar animalier, la BD policière franco-belge qui se déroule en Europe, la même mais qui se déroule aux États-Unis. Il va être question évidemment de bandes dessinées japonaises avec des séries comme Monster ou Mr. Nobody, de québécoises, du polar américain, et on va finir avec le polar d'anticipation. Donc c'est la variété qui est au rendez-vous, il y en a pour tous les goûts. Tu dis, ben écoute, sans compter que pour chacune des sections de ma présentation, ce qui est pas dit là dans les thèmes que je viens de nommer, mais c'est qu'on va se promener allègrement d'une époque à l'autre dans l'histoire de la BD. Donc t'entremêles les classiques avec des parutions peut-être un peu plus récentes? Ouais, puis je dirais même que, en fait, je me fais un point d'honneur de balancer en rafale des œuvres très diverses. Quelqu'un qui lit que du manga, j'ose croire que il va être accroché par quelque chose d'autre. Même chose pour quelqu'un qui lit que des BD récentes, très à la mode. À un moment donné, il peut se laisser comme prendre par un truc un peu plus vieux. Et ça crée comme des espèces de chocs esthétiques aussi quand c'est projeté sur grand écran dans une salle avec l'éclairage tamisé. On passe du noir et blanc à la couleur, de quelque chose de planche un peu vieillotte à quelque chose de plus récent. Fait que c'est vraiment, je dirais, pour les gens qui vont être dans la salle, là, ça va être comme une entreprise de séduction, comme du speed dating avec des genres, des styles, qu'autrement, telle ou telle personne n'aurait pas nécessairement trouvé inspirant comme ça. Là. Fait que moi, je considère que c'est comme des soirées comme ça, là, parce que c'est ni plus ni moins, c'est des suggestions de lecture. Là. Mais surtout, l'idée derrière ça, c'est que c'est comme un ouvroir d'esprit, je dirais, un élargisseur d'horizon, si tu veux. Puis même, je dirais quasiment un exercice d'éducation. Ça peut paraître rébarbatif, là, mais à travers les rendez-vous de la BD depuis 10 ans, ben j'ai la prétention d'essayer d'éduquer les lecteurs, c'est-à-dire d'élargir leurs habitudes de lecture, les sensibiliser au travail de création, qu'est-ce que ça représente faire une bande dessinée, puis aussi les initier à des notions plus techniques comme le rythme, le découpage, la mise en scène, la mise en page. Et en même temps, évidemment, pour que les auditeurs aient tout ça à travers une idée de la diversité des œuvres qui vont être présentées, est-ce que tu as quelques titres, quelques exemples aussi de chocs esthétiques dont tu nous parlais? Oui, des amuse-gueules, hein, pour les auditeurs. Ben oui, bon, regarde, le crime organisé, mettons, par exemple. L'approche presque historique des séries comme Ce qui est à nous et puis sa suite Mafia Story versus le ton romantique de Crying Freeman ou parodique de La peau de l'ours. Fait que les trois parlent de crime organisé, mais ça a comme rien à voir l'un avec l'autre finalement. Dans le genre polar animalier, suffit de comparer la brique qui s'appelle La pieuvre, qui est une BD documentaire, même si les personnages ont une forme anthropomorphique animale. Eh ben, ça porte sur la guerre des clans qui a mis l'Italie à feu et à sang pendant les années 70. Alors que des séries comme Canardo ou Black Sad mettent de l'avant les archétypes du polar. T'sais. Et puis, pour finir, un dernier exemple, ben, la BD policière franco-belge qui se déroule en Europe, il n'y a qu'à penser au ton Bon Enfant de Jérôme Bloch versus le climat glauque de Belleville Story du bordelais Vincent Perriot, qui est d'ailleurs venu passer 2 mois de résidence à Québec il y a quelques années. Là. Et on se retrouve dans des univers et des tons totalement différents. Et en terminant, Michel, si je te mets devant dans l'obligation de choisir un classique et une découverte. Ah, chaque fois que je renoue avec Gilles Jourdan de Maurice Thieu, je tombe sous le charme suranné de ce chef-d'œuvre. Ça, tout le monde en convient, les professionnels et les spécialistes, les journalistes de la BD. Là. Côté révélation, là, c'est difficile là, de me limiter à un seul titre. Regarde, je m'en permets 3 rapidement. Moi, j'ai été, pendant mon mois de préparation, happé par l'onirisme malsain de Sin Titulo, de Cameron Stewart. Sin Titulo, en italien, ça veut dire sans titre. Et par ailleurs, happé aussi par le réalisme très sombre de la série Gotham Central, où est-ce que Batman est un personnage assez fantomatique et assez secondaire, mais comme omniprésent de par sa réputation. Et happé finalement par la frénésie trépidante d'une BD qui s'appelle Qui est Jake Ellis. Voilà. Okay. Trois suggestions, 3 découvertes, 3 suggestions américaines? Ils sont très forts, les Américains. Alors, ben, en fait, évidemment, c'est des titres, c'est des univers qu'on va découvrir. C'est le mercredi qui vient, donc mercredi le 9 décembre, 19h, au 2e étage de la bibliothèque Gabriel Roy. Un rendez-vous de la BD sous le thème, je le rappelle, des bulles pleins, le chargeur, le polar en BD. C'est gratuit, on s'y présente, pas besoin de réserver et on profite des planches et du savoir de Michel Giguère. Voilà. Et Michel, merci. Ce fut un plaisir renouvelé. Et nous, ben, on se dit à mercredi et à l'année prochaine. On est déjà rendu là. Et non. Des beaux sujets d'ailleurs que tu vas développer l'année prochaine? Ben écoute, on commence d'abord pas en janvier parce qu'on fait toujours relâche en janvier, mais en février, ça va être le mois des Noirs. Et par extension, ben j'ai décidé, ça faisait un petit bout de temps que j'y songeais, de faire une soirée sur l'Afrique en bande dessinée. Mmh. Fait que je peux te dire que c'est très vaste, encore une fois, comme sujet, là, qu'on peut aller dans l'histoire, dans le passé, mais géographiquement, ça peut verser dans le politique, ça peut verser dans l'aventure. Ça va être une soirée très pleine, encore une fois. Alors, ben enfin, à mettre dans notre agenda, évidemment. Michel, on se dit à bientôt. À bientôt, ben oui. Salut bien. Salut. Alors voilà, donc c'était Michel Giguère, je le rappelle, animateur des rendez-vous de la BD. Le prochain est mercredi, le 9 décembre. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On va être avec vous la semaine prochaine. On va avoir Jeff qui va venir nous parler de Broadway, Dez qui va venir nous parler de Frivolesque et plus. Alors c'est un rendez-vous dès 17h30. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.